Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Soprano. Vous écoutez Mickaël à la radio. Justement, Mickaël, vu que tu fais le séducteur là au micro, c'est bizarre que tu es entouré que d'hommes dans ton équipe là. C'est un peu bizarre, hein. Mickaël. À la radio. Et puis, vérification de sondage du jour. Allez, quelle est la vérification du sondage du jour? Eh bien, on le savait déjà, les mecs ne pensent qu'au cul. Ça, on le savait, hein. Oui. Mais aujourd'hui, on sait la vérité sur les filles. Elles pensent encore plus à la mode. À la mode? Ouais. C'est-à-dire que les filles pensent plus à leurs fringues, à comment elles vont s'habiller, à ce qu'elles vont mettre, et surtout à critiquer ce que leur copine a mis. Ah oui, ça oui. Que les mecs ne pensent au sexe. D'accord, ok. Bon, mais alors, oui. Du coup, sur le Facebook, je peux pas mettre 17 questions différentes, donc j'en ai mis qu'une. J'ai brayé au hasard. Combien de fois pensez-vous au sexe par jour? Oui, au hasard. Oui, voilà, c'est ça. Par contre, je me rends compte que j'ai fait une connerie. J'ai mis combien de temps pensez-vous au sexe par jour, et puis j'ai mis une fois, deux fois, trois fois. Oui, c'est pas vraiment du temps, c'est combien de fois? Oh, vous aurez compris, hein. Après, ouais. Je sais pas tout recommencer, j'ai pas envie ce matin. Donc voilà, hop là, c'est posté. Facebook.com/funradio pour répondre au petit sondage du jour. Bon, du coup, on va appeler les parents de Steph. Voilà. Alors, Steph, c'est l'auditrice qui nous a envoyé son message. On nous a appelé mes parents, appelez mes parents, appelez mes parents. Voilà, donc on va appeler les parents. Voilà, c'est ça, pour savoir. Elle a envie de savoir ça, c'est dégueulasse. Ouais, moi aussi, je trouve ça honteux. Allez, on appelle, c'est parti. Jamais je donnerai le numéro de ma mère. Ah ouais, non. Allez, les parents de Steph. Faut se réveiller maintenant, hein. Les parents de Steph. Faut se réveiller. Non. Bon. Allô. Ah. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que selon une récente étude, il semblerait que les femmes pensent plus à la mode que les hommes pensent au sexe. Mais vous êtes dingue ou quoi? Pourquoi à 6h du matin, vous appelez les gens ici? Oui. À 6h du matin. Oui, et en fait, je voulais savoir combien de fois vous pensiez à la mode. Moi, je te consulte. Tu m'appelles à 6h du matin, mais t'es pas normal. Ben si, tout à fait, tout va bien. Ben oui, t'es pas normal. Mais non, enfin, pourquoi vous dites ça? Tu m'appelles pas à 6h du matin. Bah, pourquoi pas? Si t'es à côté de moi, je t'arrache les yeux, vraiment. D'accord, mais combien de fois vous pensez à la mode, alors? Ah, ouais. Sympathique, les parents de Steph, là. Ouais, une famille, si tu es à côté famille. De moi, je t'arrache les yeux. On va le rappeler, hein, elle avait l'air en pleine forme. Bah, oui. Allez, hop là, on rappelle. On sait pas dans quelle ville on est, non? Non. Ah bah tant pis, c'est pas grave. Allez, on rappelle. Savoir. Allô? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi, j'étais au téléphone avec votre femme, mais on a été coupé. Ouais, et alors on se fout de la gueule de qui, là, à 6h du mat? Mais pas du tout, enfin monsieur, je me fous de la gueule de personne. Comment? Mais je ne me fous de la gueule de personne, monsieur. Non. Alors, quoi, vous voulez quoi, vous, à 6h du matin? Bah, en fait, je voulais savoir combien de fois votre femme pensait à la mode. Ouais. Bah, pense-toi d'abord combien de fois, moi, je vais taper sur ta gueule, espèce de connard. Oh là là, c'est violent, quand même. Ils sont en pleine forme, les parents de Steph. Oh, merci, Steph, pour ce numéro, on va le garder. Hein. Oui. Oh, on va le garder, celui-là. J'espère que tu te fais pas engueuler trop souvent. Hein. Ah, parce que là, ça doit être violent. Oh, la violence. Choqué encore, dis donc. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, dans Mickaël à la radio. Le ni oui ni non, ni vous verrez bien. Avec Julie, la plus perdante de toutes. Salut Lisa, tu vas bien? Oui. Eh ben, on va plutôt bien aussi, oui, Lisa. Maintenant que tu es là, je vais beaucoup mieux. Mais oui, non, elle a 13 ans, tu vas pas beaucoup mieux. Ah non, bah. Tu vas plus bien. Ah non, là, il va pas bien. Tu viens blanc là. Ah, là. Bon, Lisa, tu fais quoi aujourd'hui? T'as ta cour ou pas, toi? Ouais. Ouais. Malheureusement. Exam ou c'est pas encore le cas? Pour l'instant, on a ta examen aujourd'hui, donc ça va. Bon, ça va venir, tu vas en profiter pour un peu réviser. Bah oui, bien sûr. Oh là là. Oui, c'est ça. Non, on y croit. Et bien sûr, elle a fait un plan de révision de sur 2 mois. Mais c'est bien, c'est bien. Bon, Elisa, on va jouer au ni oui ni non, ni vous verrez bien. Tu risques de gagner un iPod si jamais tu gagnes. Le but, c'est simple, arriver à discuter avec notre amie Julie sans dire oui, sans dire non et sans dire... qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne sais pas. Je? Ouais, je. Voilà, sans dire je. Voilà, sans dire oui, sans dire non, sans dire je. D'accord? Par contre, tu dois tout faire pour que Julie le dise. Évidemment, forcément. D'accord? La première d'entre vous qui balancera un de ces trois mots aura perdu. 1 minute, vous êtes prête? On est prête. Elisa? Oui. C'est Elisa, c'est ça. Hein. Elisa. D'accord. Allez, on y va. Oui. 3, 2, 1, let's go. Comment vas-tu, Elisa? Ça va, et toi? Très bien, merci. C'est quand le prochain examen? Mercredi. Et c'est quel cours? L'irlandais. Pas trop difficile? Bof. Tu parles l'irlandais? Un peu. Donc ça devrait aller. À l'école, quoi. D'accord. Tu es en quelle année ? Première. Tu as déjà raté une année ? Non. Non. Perdu ! Et hop là ! Perdu ! Pas mal, c'est bien passé. Oui, merde aussi, d'un mot interdit, cela dit, au passage. Bon, Elisa. Bravo, Elisa. Tu t'es bien battu. Ah, Elisa, c'est perdu, malheureusement. C'est vrai que c'était un beau battle, mais c'est losé quand même. Et ouais. Bon, bah, Elisa, tu retournes ta chose quand tu veux. Je suis concentrée sur le jeu. Bah, ouais, je suis bien. Ouais. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on a rajouté un truc en plus, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que ils tu veux. Ils sont vicieux. Bah, oui. Bon, Elisa, c'est pas grave. Voilà, très bien. J'espère que tu seras meilleur aux examens qu'au ni oui ni non. Parce que sinon, c'est pas gagné. Bonne chance pour le prochain. Ouais. Donc je te fais des gros bisous Elisa et tu reviens quand tu veux. Allez. Gros bisous Elisa, à bientôt. Salut. Au revoir. Salut. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. C'est la journée internationale de Pierre. Vous connaissez le principe, tous les jours il y a des journées internationales de tout et n'importe quoi. Et on mise surtout sur le n'importe quoi. Et comme vous le savez, pour l'instant c'est la période des tondeuses à gazon. Donc du coup Pierre a décidé de faire la journée internationale des tondeuses à gazon. N'importe quoi. Voilà, si, vous allez voir. Allez, journée internationale de la tondeuse, c'est maintenant sur Fun Radio. Ok. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez que des tondeuses à gazon? Non, on a des débroussailleuses, des taillées, tout ce qui est parc et jardin. D'accord, parfait. Est-ce que vous avez des plus petites tondeuses? Ouais, j'ai la petite Viking. Oui, j'ai des petites. Ça dépend ce que vous appelez petite et ce que. Bon, en fait, ce serait pour me faire le maillot. Ah non, ça je ne vois pas. Vous avez rien pour la pelouse des hommes? Non. Rien pour ma haie? Non. Rien pour mon persil? Non. Et, rien pour mon duvet? Désolé. Rien pour mon poil? Désolé, non. Oh ben oui, mais non. Allô, agripeur? Bonjour, est-ce que vous vendez des tondeuses à gazon? Des tondeuses à gazon, oui, effectivement, oui, monsieur. D'accord, et est-ce que vous faites aussi du service à la personne? Ah oui, ça c'est sûr. Très bien, en fait, mon esthéticienne, comme elle est fermée aujourd'hui, je voudrais savoir si vous pouvez me tailler le buisson. Oui, mais une esthéticienne et les matériels agricoles et horticoles, je sais pas, c'est où il y a le lien. Hein. Bah, la pelouse, le gazon, vous coupez bien ce qui dépasse. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous vous occupiez de mon poil. Vous rigolez là, monsieur. Ah non, c'est sérieux. Et c'est pour ça que je vous demande si vous faites du service à la personne. On fait du service après-vente, mais après-vente de matériel. Hein. Bah, avec un petit sécateur, moi j'arrive en petit slip et hop, c'est parti. Ah, c'est ça. Ah, bon, ici, il y a quelques hommes qui peuvent peut-être s'occuper de vous. Hein. Mais c'est les grands moyens. Hein. C'est à la faucheuse. Hein. Ah bah non. Moi, je veux une femme sympathique comme vous. Oui, bah non, mais moi je fais que les papiers ici. Donc. Une dernière fois, après, j'insiste pas. Vous voulez pas me tailler de buisson, hein. Vous êtes sûr? Non. Bon bah tant pis, je reviens à la méthode traditionnelle. Allez, hop, je resserre la tondeuse. Ok, allez, bonne chance. Wouhou, aïe, oh ça pique. Au revoir, monsieur. Aïe, wouhou, aïe. Voilà, journée internationale de la tondeuse à gazon, donc à l'instant avec Pierre. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. À la radio. Nous allons maintenant jouer au quiz, bien sûr. Le serez-vous plus intelligent qu'une Miss? C'est avec Pierrick que ça se passe. Bonjour Pierrick. Oui, bonjour. Comment ça va? Ah, ça va bien. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Julie? T'as vu, elle se fout de ta gueule, Pierrick. Hein, non, t'as à peine dit bonjour. Je fais un bisou tout spécial à Julie. Ah, ah. Je le connais, oui. Ah, bah d'accord, ok. Donc c'est bien ce que je disais, elle se fout de toi alors. Oh, non, mais bonne chance, Pierrick. Ah, j'essaie de te dire avec toi. Mais attends, mais tu es qui, Pierrick, par rapport à Julie? Un amant? C'est... Non, pas du tout. Non, c'est mon ex. Non, pas vraiment. C'est le mari de la sœur de Chouchou. Le mari de la sœur de Chouchou. Ah, d'accord, donc t'as pas de lien de parenté? Non, pas du tout. Chouchou a une sœur. Oui, Chouchou a même deux sœurs. Et tu nous avais caché ça? Oui, il en reste une disponible parce que c'est pour Toff. Hein. Je vais dire que non parce que j'ai pas très envie que Toff tombe dessus. Passe par téléphonique. Je te remercie, Julie. J'aimerais bien l'épargner en fait. Donc. Sympa. Alors que c'est un garçon bien merci de prendre ma défense. Toff serait le beau-frère. Voilà. Imagine un peu l'angoisse. L'angoisse totale. Bon, allez, c'est parti. Pierrick, on va jouer. Donc, t'appelles de jauge. Donc, toi, t'es insti. Donc, toi, tu fous rien. On est d'accord. Hein. Surtout oui, en primaire. Hein. Attends, mais t'es en vacances là. C'est-à-dire que t'es en vacances du 15 juin au 15 septembre. Puis après, bah forcément, ça continue. Et ainsi de suite. Non, ça, c'est les secondaires. Hein. Ah, d'accord, ok. Bon, ouais, bah, en primaire, ils sont obligés d'aller jusqu'au 30. Hein, ouais, c'est vrai. Ils doivent reprendre le premier. Ouais, c'est con. Au 6ème primaire, t'aurais fait un petit truc en plus. Hop, tu serais passé en secondaire. T'étais pépère. C'est con, c'est dommage. Bon, Pierrick, on y va, je vais te poser 5 questions. Si tu fais 5 sur 5, iPod. Si tu fais 4 sur 5, tu repars avec des places de ciné. Et en dessous de ça, tu retournes chez ta mère les mains vides, d'accord? Ok, c'est parfait. On y va, première question. On vient de faire une découverte. découverte étrange à Waterloo, laquelle? Allez, facile. Okay. Oh. Allez, suivre l'actualité, quoi. Bah même. Oui, c'est ça. Un soldat mort en 1815. Mm. Eh oui. Oh, qu'est-ce que tu veux? C'est il pas était temps de le retrouver, quoi. Ah oui, je te confirme. Alors, quelle ville est la plus people de la côte belge? Facile. Knock. Et bonne réponse. Combien y a-t-il de fleuves qui traversent la Belgique? Il y en a trois. Trois, effectivement. Ah bah oui, oui, quand même. C'est un instinct, c'est pas ça quand même. C'est clair, c'est clair. Vrai ou faux, le courrier de l'ESCO est le plus vieux journal en français? Vrai. Oui, depuis 1829. Wow. Et enfin, en wallon, que signifie binaise? Oh, c'est dur ça. Binaise? Ouais. Ah mince, je vais repartir chez ma maman, je crois. Ah ouais. Bah, je peux te donner un indice, est-ce que Julie n'est pas en règle générale, hein, elle ne l'est pas. Ça doit pas être très gentil. Elle n'est jamais perdante. Ah non, elle n'est jamais heureuse, contente. Oh, voilà, tu vois, c'est ça. Donc c'est ça, ça veut dire content et heureux. Donc seulement Pierrick, quand chouchou est là. Voilà, c'est ça. Tu l'as mis sur une mauvaise piste, c'est Pierrick, mal. Bah, c'est ouais, faux. Ouais. Pierrick, tu repars chez ta mère les mains vides, et c'est déjà pas mal. Voilà. Et, ouais, et ce matin, tes élèves se foutront de toi. Exactement. Bon, oui, bah, on verra. Pierrick, la bonne journée. Merci beaucoup, à vous aussi. Bisous à tous. Allez, à bientôt. Allez, bisous. Ciao, ciao. Bon, et ben voilà, c'est une bonne chose de faite. Tant pis, c'est perdu. Hein, et on n'a pas triché. Hein, de 1 parce qu'il a perdu, et de 2 parce que c'est l'homme qui tire au sort. Ah non, je ne savais pas du tout. Des fois que les auditeurs disent oui, prennent les amis de Julie, c'est dégueulasse, etc. etc. Donc rassurez-vous. Complet. C'était le hasard. Mais la preuve, il a perdu de toute façon. Oui, en plus, effectivement. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio.